Les hommes, et ce n'est pas un scoop, sont de grands enfants désinvoltes qui s'agitent et qui virevoltent et viennent pleurer s'ils se coupent. Mauvais perdant, mauvais conseil, mauvais plaisant, ridicule guerrier, obsèque courtisan. Hey! Dès qu'un peu, on vous titille, vous perdez tout sens de l'humour. Et vous, vous voudriez cynique, donjon froid et tyrannique, mais vous rêvez du grand amour. Bravo Mary, bien envoyé, mort aux hommes, pauvres ratés, écrasés par leur liberté, esclaves de leur vanité, ballons de baudruche dilatés. Qu'un compliment éclaté. Naïf et facilement berné, on vous mène par le bout du nez, ou pour mieux dire par la culotte. Vous faites les fiers au bistrot, vous buvez deux, trois coups de trop, puis vous gerbez avec les potes. Mauvais mari, pauvre satraque, glauque bouffon, dans vos caboches, c'est bien bas de plafond. Hey! L'homme ou bien la femme ici-bas, entre un poseur et une coquette, pour ma part je ne trancherai pas. À quoi bon d'ailleurs, puisque le trépas nous jettera tôt ou tard aux oubliettes. Ce soir je veux seulement faire la fête et perdre l'équilibre sur d'improbables pas. Glauque bouffon,